Collège de France, les cours sont libres, c'est-à-dire que viennent les écouter les gens qui veulent, n'importe qui. De sorte que, finalement, quel est celui qui est examiné? Quel est celui qui est sous le pouvoir de l'autre? Moi, je dirais qu'au Collège de France, c'est celui qui enseigne. Les cours du Collège de France par Meryl Meneghetti. Il me semblait que une chaire au Collège de France avait pour vocation au naturel, non seulement d'expérimenter, mais aussi d'écouter la façon d'expérimenter des autres. Vous voici, comme chaque jour de cette semaine, conviés au cours du Collège de France, auquel s'associe France Culture pour partager une recherche en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit interdisciplinaire. Comment se déploient les migrations dans le monde et comment ont évolué notre représentation des flux migratoires, s'interroge le démographe François Errant. Comment se répartissent les titres de séjour dans le monde? À partir de nos connaissances actuelles et des données démographiques de ce début du XXIe siècle, quelles sont les hypothèses pour pouvoir se projeter en 2050, en 2070? Quelles peuvent être les conséquences d'un boom démographique en Afrique sur les flux migratoires à l'avenir? Agrégé de philosophie, longtemps démographe sociologue à l'INSEE et l'INED, François Errant, titulaire de la chaire Migration et Société, se partage désormais entre le Collège de France et la direction de l'Institut Convergence Migration. Dans le cadre de sa nouvelle série « Pourquoi migrer ?», il propose d'interroger les facteurs déterminants des migrations. Les deux premiers cours de cette série questionnent notre façon d'appréhender les flux migratoires, entre hier et aujourd'hui, et d'interpréter les données démographiques. Il évoque les débats autour des approches et des projections. Radio-Canada a indiqué récemment que selon les prévisions du Programme des Nations Unies pour le Développement, le nombre d'habitants de l'Afrique devrait presque doubler au cours des prochaines décennies pour atteindre 2,5 milliards de personnes en 2050. Les pays africains qui souffrent de chômage endémique devront créer des emplois nécessaires à ces millions de jeunes qui arriveront sur le marché du travail. À partir de ces données, certains experts pensent que les pays de l'Afrique subsaharienne migreraient vers l'Europe en masse. Roberto Forin, coordonnateur au Mixed Migration Center, cité par Radio-Canada, pense lui que l'attrait de l'Europe pourrait fortement diminuer au cours des prochaines années. Les migrants et les réfugiés ont tendance à aller dans les pays où ils croient qu'ils pourront se reconstruire une vie, trouver du travail, et cela est sûrement plus facile dans des pays aux économies croissantes. Et aujourd'hui, il y a des pays qui ont une croissance économique bien meilleure que celle de l'Europe. Pourquoi ne pas s'imaginer que d'ici une dizaine d'années, beaucoup plus de migrants africains tenteront de se rendre en Chine, en Inde ou ailleurs dans le continent africain? Dans une interview donnée au journal du CNRS en 2018, François Errant revient sur les principaux couloirs migratoires dans le monde. Le plus important de loin est celui qui va du Mexique aux États-Unis. 12 millions d'immigrés mexicains sont aujourd'hui présents sur le sol états-unien. Les États-Unis restent le pays le plus attractif du monde. Ils accueillent également des diasporas considérables de Chinois, Philippins, Indiens ou Portoricains. Autre grand couloir, celui qui relie le Bangladesh à l'Inde, soit 3,3 millions de personnes. Ou encore celui qui va de la Turquie vers l'Allemagne et concerne 2,7 millions de personnes. L'Afrique n'a qu'un seul grand couloir migratoire, c'est celui qui mène du Burkina Faso à la Côte d'Ivoire avec 1,3 million de personnes. Et contrairement aux autres continents, l'Afrique subsaharienne migre assez peu en dehors du continent africain. 75% de la migration subsaharienne reste cantonnée à la zone Afrique, tandis que 16% de cette migration seulement est recensée en Europe. Ce sont ces données et ces questions que nous retrouverons aujourd'hui. Le premier cours s'est achevé sur la question des tendances mondiales de la fécondité et se poursuit sur celle de la fécondité masculine en Afrique. Nous gagnons le Collège de France le 10 janvier 2019 pour le cours de François Errant, sa série « Pourquoi migrer ?», deuxième opus. Actuellement, le taux de fécondité de la planète est de 2,4 enfants par femme en moyenne. Et ça varie beaucoup d'un continent à l'autre. L'Afrique est à 4,4. L'Europe à 1,6 et évidemment les autres continents s'étagent Mais enfin, l'Afrique se détache très nettement des autres continents. En gros, l'Afrique a un taux de fécondité deux fois supérieur à celui du reste du monde, pour dire les choses très vite. Et quand on regarde à l'Afrique subsaharienne, c'est 4,7 enfants par femme, ce qui est encore très élevé, évidemment. Quelles sont les tendances mondiales de la fécondité? Là, on n'est pas encore dans la migration, mais je pense que c'est important que vous ayez une idée du décor, en quelque sorte, sur lequel les questions migratoires peuvent être envisagées. Ce qu'on observe en Afrique subsaharienne, c'est que certes, il y a aussi un recul de l'âge au mariage, il y a moins élevé une certaine élévation du niveau d'éducation des femmes, un prolongement des études, mais en Afrique subsaharienne, en raison de traditions différentes, il n'y a pas de contrôle strict de la sexualité avant le mariage. Il y a une fécondité qui peut tout à fait être importante avant le mariage tardif. Donc, là encore, j'insiste sur un certain nombre de facteurs qui sont au fond des facteurs culturels ou anthropologiques. Alors, pour vous montrer encore un autre aspect fondamental des comportements démographiques en Afrique et vous dire à quel point ils sont ancrés, à quel point ils vont être difficiles à changer, ils changent, mais ils évoluent lentement, c'est la polygamie, et là, notamment, on la mesure à travers un indicateur étrange qui est ce qu'on appelle la fécondité masculine. Car évidemment, on a l'habitude de rapporter le nombre d'enfants aux femmes en âge d'avoir des enfants, mais on peut aussi, c'est beaucoup plus rare, on le fait rarement, parce que c'est pas facile à déceler dans l'état civil, il faut faire des enquêtes, et comme je vous l'ai dit, il y a des dizaines d'enquêtes qui ont été faites, on peut aussi rapporter les naissances d'un homme aux hommes. Les naissances, on peut les rapporter au père. Alors, la durée de vie génésique est plus longue, évidemment, que pour les femmes, mais enfin, elle finit quand même par disparaître. Et moyennant donc ça, on observe que le taux de fécondité masculin, le nombre moyen d'enfants par homme, est considérable en Afrique, et que dans certains pays, et le record est atteint par le Niger, si le Niger a quasiment à 7,8 enfants par femme, il a 14, presque 14 enfants par homme. Alors, là, surprise générale, mais comment c'est possible? Comment peut-il y avoir un nombre différent d'enfants entre hommes et femmes? Déjà, Montesquieu s'était posé la question dans un chapitre sur l'esprit des lois, et lui, il avait résolu la question en disant, mais c'est la polygamie. Alors, du coup, le problème est décalé. Comment expliquer que la polygamie soit possible, et comment expliquer que la polygamie puisse respecter finalement l'équilibre homme-femme? En réalité, il ne naît pas plus de femmes dans les pays d'Afrique subsaharienne qu'en France. La proportion est la même. C'est quasiment moitié-moitié, pas tout à fait. Bon, il y a un peu plus, il y a 105 hommes pour 100 femmes, à peu près, pour 105 garçons pour 100 filles, partout dans le monde. Et ça, c'est une découverte qui a été faite à partir du XVIIe siècle, quand les démographes, notamment allemands, ont envoyé des messages, des émissaires dans toutes les parties du monde, y compris dans les Indes orientales, dans les Indes occidentales, au Cap, etc., pour essayer de savoir quelle était la répartition des naissances masculines et féminines. Et là, on s'est aperçu que c'était la même à peu près partout, que c'était une constante universelle, et qu'il suffisait d'accumuler le nombre suffisant d'années pour que l'un dans l'autre, comme on disait à l'époque, c'est-à-dire en moyenne, on puisse arriver à un résultat relativement constant. Alors là, d'abord, je rends hommage à la personne qui a publié ce graphique dans le bulletin Population et Société, Bruno Schumacher, c'est un des grands démographes belges qui travaille à l'université de Louvain. Et c'est un des meilleurs spécialistes de la démographie africaine. Mais c'est Gilles Pison qui, dans un article de Population de 1986, a élucidé pour la première fois la mécanique démographique de la polygamie. Alors en fait, il montre que la fécondité masculine peut être supérieure à la fécondité féminine, et fortement, à condition qu'un certain nombre de conditions soient réunies. D'abord qu'il y ait polygamie évidemment en faveur des hommes, concentration des mariages par les hommes, un fort écart d'âge au profit des hommes, et ces écarts d'âge, c'est une demi-génération en moyenne, c'est considérable. Une forte croissance de la population. Si vous avez une pyramide des âges en forte croissance et que les hommes sont plus âgés, ils peuvent puiser dans un vivier de femmes beaucoup plus important, parce qu'on est en croissance. Donc la population des hommes épouse une population de femmes qui est beaucoup plus nombreuse, parce qu'on est dans une pyramide des âges très évasée, qui est celle des pays en forte croissance. Et puis, évidemment, le fait que la vie génésique des hommes dure longtemps, n'est-ce pas ? Et au fond, Il y a l'exemple de l'ancien président du Nigeria qui était l'autre jour au Forum Afrique de l'OCDE, 21 enfants, à la suite de toute une série d'unions. Et vous voyez à quel point, y compris dans un pays très urbanisé, et très occidentalisé par ailleurs, comme le Sénégal, vous avez encore une très forte surreprésentation. Donc au Sénégal, les hommes ont en moyenne entre 11 et 12 enfants, en moyenne. Et voilà, donc, par exemple, on avait longtemps espéré ou pensé que la polygamie allait baisser dans les pays d'Afrique de l'Ouest. Et là encore, c'est Véronique Hertrich qui est la personne qui a rassemblé le plus de données pour essayer de suivre ce phénomène. Elle a baissé, mais lentement, dernièrement, tardivement. Elle a baissé davantage dans les pays d'Afrique anglophone, comme le Ghana, par exemple, que dans les pays francophones. Et même en ville, la polygamie est extrêmement courante. En gros, ce sont des pourcentage, on mesure ça de la façon suivante, quel est le pourcentage de femmes qui vivent, de femmes mariées, qui vivent dans une union polygame? C'est 20, 30, 35% selon les pays, hein, c'est de cet ordre de grandeur-là. Alors certes, et ça c'est important quand on lit les projections de l'ONU sont des projections assez spéciales, ce sont des projections ciblées, targeted. C'est-à-dire que elles introduisent des éléments désirables. C'est pas simplement une projection qui va vous dire, en fonction d'un certain nombre de critères, voilà ce que vous obtiendrez comme à la sortie de la boîte d'ici 30 ans ou 50 ans. Il y a pour les hypothèses de fécondité, l'ONU introduit plusieurs hypothèses de fécondité et dit, ce serait quand même bien que d'ici 80 ans, tout ça converge à 2 enfants par femme de par le monde. Et pendant longtemps, l'ONU avait fait ça. Et c'est la raison pour laquelle la population d'Afrique subsaharienne avait été considérablement sous-estimée, parce que on avait inclus des hypothèses de fécondité qui étaient irréalistes. De la même façon, pour les pays européens, pour les pays de l'extrême-orient, etc., là, l'hypothèse d'une convergence à 2 enfants par femme s'est révélée fausse, mais dans l'autre sens, on l'est descendu à 1,5, 1,2, 1,3, etc. Donc, en gros, dans les années 50, l'ONU prévoit très correctement la population mondiale en 2000, mais c'est parce que les erreurs se sont compensées. On n'avait pas du tout imaginé que la Chine, par exemple, aurait une telle baisse de la population, ou l'Europe, et on n'avait pas imaginé que l'Afrique aurait une telle augmentation de la population. Les deux erreurs se sont compensées et, un peu par miracle, les projections de l'ONU faites dans les années 50, 60, encore 80, pour l'ensemble du monde, se sont révélées exactes. Mais dès qu'on se met à décomposer par région du monde, ces projections, ça cesse complètement d'être... Alors évidemment, maintenant l'ONU sait tout ça, et la réflexion rétrospective sur pourquoi nous sommes-nous trompés, pourquoi le modèle de la transition démographique n'a-t-il pas marché, est une réflexion qui est maintenant évidemment très approfondie. Et donc l'ONU a accepté par exemple que la cible finale du taux de fécondité pour les pays occidentaux accomplissant la deuxième transition démographique, comme on dit, ce soit 1,8 ou 1,7 et pas 2. Mais enfin, pour l'Afrique, donc la baisse envisagée, ce serait d'aller à 3 enfants par femme en 2050-2055 contre 4,75 maintenant. C'est très optimiste. Et ce n'est pas le résultat d'une projection, c'est une cible qui a été désignée à l'avance. Il faut bien comprendre le mécanisme de ces projections-là. Alors c'est vrai que la fécondité a reculé dans les pays côtiers. On est à 5,4 au Nigeria, c'est moins que 7. Enfin bon, c'est quand même encore très élevé. Et puis surtout, dans un certain nombre de pays qui sont actuellement en plein essor, l'Éthiopie connaît actuellement un développement tout à fait considérable, tout à fait remarquable. D'ailleurs, l'Éthiopie, en plein développement, contrairement à ce qu'on a pu croire, n'a pas augmenté son émigration, mais au contraire est en train d'attirer des migrants du reste du pays de l'Afrique. Donc c'est un démenti à l'idée que le développement serait nécessairement un accroissement de l'émigration. Et vous voyez que l'Afrique du Sud, surtout, est un pays intéressant de ce point de vue-là, puisqu'elle est seulement à 2,3 enfants par femme, ce qui est évidemment très peu. Le Kenya, par exemple, le Kenya avait 8 enfants par femme dans les années 70. C'était le record mondial, je m'en souviens encore. Voilà, et j'ai déjà évoqué le fait qu'on a évidemment des interrogations. Il y a beaucoup de discussions sur le sens de la causalité. Est-ce que c'est la faiblesse du développement qui induit des unions précoces et polygames? Est-ce que c'est l'inverse? En tout cas, je ne pense pas, au vu de tous les éléments que je viens de vous donner, qu'une chute sensible de la fécondité soit possible dans la majorité, dans la moyenne de l'Afrique subsaharienne, hormis les quelques exemples et quelques exceptions signalées. Alors, il y a eu un intérêt intense pour ce qu'on appelait la population noire en France. C'est le titre d'un article, assez curieux, qui a été publié en 1964 dans la revue Population. La revue Population, c'est la revue officielle de l'INED, l'Institut national d'études démographiques, qui était dirigée à l'époque par Alfred Sauvy. Alfred Sauvy était d'ailleurs aussi à l'époque professeur au Collège de France. C'est le seul démographe qui m'a précédé dans cette maison. Il a été professeur de 59 à 69. Il accueille dans la revue Population un article qui est une estimation des effectifs de la population noire en France. Et cet article ne dit pas trop pour quelles raisons il se lance à cette opération, mais là vous avez la petite introduction, le petit chapeau rédigé par Sauvy, qui nous dit, voilà, dans les dernières années, et surtout dans les derniers mois, s'est produite en France une immigration de Noirs qui n'est pas sans analogie avec celle des Jamaïcains en Angleterre. Donc, en fait, là, il parle des Doms, des Domiens. À quoi fait-il allusion par cette phrase? Il fait allusion à la création du BUMIDOM, le Bureau des migrations pour les migrations de l'Outre-mer, qui donc projetait de transférer en métropole un certain nombre d'habitants des Antilles et de la Réunion. Alors, c'est à ça qu'il fait allusion. Du fait de l'absence de définition juridique concernant la couleur ou la race, il est fort difficile de recueillir des renseignements chiffrés selon ces caractères. Certains originaires de la Martinique ou de la Réunion sont d'ailleurs de peau blanche. Quoi qu'il en soit, il est sociologiquement intéressant d'essayer de chiffrer le montant de cet apport et d'étudier les problèmes qu'il peut soulever. Monsieur Robert Delerme, ingénieur civil des mines, a étudié cette question et évalue dans l'article qui suit l'importance quantitative de ce peuplement. Alors dans la revue L'Histoire, un des prochains numéros, je m'étends là-dessus, Robert Delerme, c'était effectivement un ingénieur des mines, c'était un cadre qui occupait de très hautes fonctions chez un pétrolier, enfin une grande compagnie pétrolière internationale, et il était en même temps très connu par sa collection minéralogique. Il avait assemblé une collection de minéraux qui, à sa mort il y a seulement 2 ans, il est mort très récemment, a été vendu, et cette vente aux enchères avait beaucoup parlé de lui. Et du coup, vous avez les renseignements sur Alexandre Robert Delerme par les minéralogistes qui l'ont bien connu et qui disent « Ah, Robert Delerme, c'est un personnage fascinant. Ah, ces dernières années, il avait une passion, c'était de nous faire peur avec le grand remplacement. » Ce qui indique une des notices. Bon. Il se trouve que je l'ai croisé un jour dans une réunion et que j'avais noté qu'il avait écrit cet article. Qu'est-ce qu'il fait? Il essaie de rassembler toutes sortes de sources, il raboute plusieurs sources assez hétéroclites, et il dit en gros, il y a des soldats américains qui sont restés en France depuis la Première Guerre mondiale et depuis la Seconde Guerre mondiale, il les estime à quelque chose comme, je ne sais plus, 15 000 personnes, enfin ce genre de chiffres. Il recueille des données sur la présence des Domiens en France, mais il y ajoute leurs enfants parce que, dit-il, l'apparence physique, ça s'hérite, ça se transmet, il reste visible à la seconde génération. Donc, et puis, il fait une estimation à partir de recensements sur les Africains noirs qui commençaient tout juste à migrer en France à cette époque. Et là encore, il fait une estimation sur leur taux de fécondité pour pouvoir rajouter à la première génération la seconde. Et il aboutit à 180 000 Noirs en France, donc en mettant ensemble un peu toutes ces trois populations. Et puis, il ne dit pas grand-chose de plus. Enfin, l'essentiel de l'article est assez court, c'est une note plus qu'un article. Ça consiste à faire simplement ce genre d'estimation. Mais 2 ans après, il publie un livre qui s'intitule « La démographie de la France ». C'est un livre extrêmement nataliste. Il reprend un peu toutes les données démographiques du pays. Et c'est un livre qui est préfacé par le premier directeur de la population et des migrations, Michel Massenet, très très lointain cousin du compositeur. Que fait Delerme? Là, cette fois-ci, il explicite vraiment sa pensée. Et il dit, voilà, la couleur de peau, c'est quand même quelque chose qui est extrêmement gênant pour l'assimilation. Les populations étrangères ne peuvent s'assimiler que si elles ne présentent pas ou quasiment pas de différence physique avec les autochtones. Et là, on a un problème, les Noirs ne restent visibles. Donc, dans le livre, Delerme, finalement, livre le fond de sa pensée, ce qu'il n'avait pas fait dans l'article publié dans Population, et explique qu'il faut décourager la migration de Noirs en métropole, qu'il faut mettre fin à l'opération du Bimidom et qu'une meilleure solution, elle avait été envisagée aussi dans l'administration, hein, une meilleure solution, ce serait de détourner l'excédent démographique des Antillais vers la Guyane. Voilà, donc c'est un peu ça l'idée. Ça prend également aux Arabes. Enfin, le problème, c'est qu'il vaudrait mieux remplacer les travailleurs arabes par des Turcs. Et là, il y a une description des Turcs. Leur faciès est plutôt méditerranéen, provençal, enfin, quelque chose qui serait acceptable par les populations, assez facilement assimilable. Ils sont très travailleurs. Certes, ils sont musulmans, ce qui pourrait être gênant, mais c'est un islam quand même très relâché, très, très tolérant, qui ne poserait pas trop de problèmes. Donc, c'est un livre assez étonnant, quand même, publié assez tardivement, où il livre sa pensée. L'année est dans... Oui, voilà, bah, c'est 100 millions de Français, pardon. Voilà le titre, excusez-moi. Et voilà ce qu'écrit Delerme. Une assimilation peut être réalisée rapidement que lorsqu'immigrants et autochtones n'ont entre eux aucune ou très peu de différence dans l'aspect physique. Les différences étant reléguées aux seuls domaines sociaux, coutumiers ou linguistiques. Cette constatation devrait limiter le choix des pays de départ à ceux dont les populations ne diffèrent pas trop de la nôtre. En particulier, l'immigration de Noirs doit être découragée. On se doute bien que nous n'écrivons pas cette phrase de gaieté de cœur. Mais en ce domaine, refuser d'être lucide est pure hypocrisie. Alors, on ne parlait pas encore des belles âmes ou des bien-pensants, même si Bernanos avait déjà diffusé la formule. Mais il y a déjà l'idée, il faut quand même un peu de réalisme et de cynisme et ne pas se laisser prendre au discours des belles âmes. Hein. Les personnes qui font assaut de générosité sur cette question font bon marché des intérêts véritables des migrants de couleur. Alors ça, c'est une stratégie argumentaire qu'on verra souvent utilisée. C'est pour leur bien qu'il faut les empêcher de venir. Hein. C'est ça l'idée, c'est l'effet pervers à l'envers. Et Delerme, à ce moment-là, dans d'autres passages du livre, fait allusion à la situation américaine, au racisme qui régnait aux États-Unis. Alors, dans tous ces écrits des années 60, il y a plusieurs auteurs qui utilisent la situation raciale américaine, le racisme observé aux États-Unis, comme une sorte de repoussoir. Il ne faut pas que la France devienne raciste comme le sont les États-Unis. Et donc, pour empêcher la France de devenir raciste, il faut simplement sortir les minorités visibles du paysage. Au fond, il y a une espèce de syllogisme, c'est ce qu'on appelle le syllogisme de la défausse. Les populations sont racistes, c'est comme ça, on n'y peut rien. Donc, première proposition. Deuxième proposition, le peuple a raison, et si on veut continuer de le gouverner, il faut lui donner raison. Je ne me fais pas de référence à l'actualité. Et donc, retirons de la vue du peuple le spectacle des minorités visibles qu'il ne peut pas supporter. Et donc, je ne suis pas raciste, mais simplement, je tiens compte du racisme des autres, et je fais en sorte que leur racisme ne trouve pas de populations à quoi s'appliquer. Vous voyez, c'est ça le raisonnement. Alors, on retrouve quelque chose de tout à fait équivalent chez un livre tout à fait étonnant, La France étrangère, qui là encore bénéficie de la préface d'une sommité de l'époque. Gabriel Marcel était membre de l'Académie des sciences morales et politiques, c'était le grand philosophe de l'existentialisme chrétien, tout ça est bien oublié aujourd'hui. Donc c'est un livre écrit par une femme étonnante, Oumel Banin Assadullayeva, qui était donc azerbaïdjanaise, d'une famille de banquiers qui avait fui la révolution russe, et donc elle était devenue femme de lettres. Elle a écrit plusieurs livres sur Ernst Jünger, dont elle était une amie, et elle écrit en 1967, vous voyez, c'est quand même assez tardif, elle écrit un livre sur les différentes minorités étrangères en France. Il y a un chapitre par minorité, les Italiens, les Espagnols, les Yougoslaves, les Portugais, les Noirs. Que les Noirs, c'est tout un ensemble qu'on peut un peu confondre. Et voilà. Et donc, autant elle est généreuse, humaniste, enfin, elle fait assaut de déclarations humanitaires pour toutes les autres minorités, autant pour les Noirs, là, elle est totalement effrayée. Elle commence son chapitre par un passage halluciné, enfin, où elle décrit les laquais d'ébène qui desservent les bennes à ordures de la ville de Paris. C'est un passage tout à fait étonnant. Elle reprend les chiffres de Delerme et elle utilise à plusieurs reprises l'expression « ruée ». Il va y avoir une ruée des Africains en France, en Europe. Une ruée également des Algériens, parce qu'elle parle aussi des Maghrébins. Et elle dit, écoutez, avec les chiffres de Delerme, bon, 180 000 Noirs en 67, on doit bien être à 200 000 maintenant. Ils vont être bientôt 1 million, et puis 2 millions, et puis 3. Donc, et elle utilise l'argument au fond de l'appel d'air. De la même façon que Delerme, d'ailleurs, parlait du bumidum, du fait que la pompe, une fois amorcée, sera inépuisable, en quelque sorte. L'idée qu'il y a un mécanisme d'auto-entretien de la migration que l'on ne pourra pas arrêter. Donc il vaut mieux intervenir tout de suite. C'est comme la fissure dans la muraille. Et voilà. Alors ce livre est préfacé par Lionel Marcel qui dit, écoutez, il faut être généreux, mais quand même pas trop, vis-à-vis de l'immigration, parce que ça amène toutes sortes de difficultés. Il y a des descriptions dans les livres extrêmement précises des problèmes de logement, des problèmes de santé, de toutes les maladies apportées de l'extérieur, etc. Mais c'est assez étonnant de voir qu'au fond, la volonté de décrire, d'estimer quantitativement la population noire en France a toujours, finalement, quand on regarde ces auteurs, été animée par la volonté de cerner une population franchement indésirable. Enfin, c'est ça, quand même, le ressort principal de ces textes. Et voilà ce qu'écrit Banine. « Submergée par les gens de couleur, la France ne deviendra-t-elle pas raciste à son tour ?» À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, 12% de sa population était étrangère ou descendance étrangère. L'addition des deux générations. Il y avait déjà des gens qui additionnaient les deux générations pour essayer d'estimer l'importance de l'immigration en France. Mais cette intrusion n'a pas posé de problème grave. À partir de la deuxième génération, ces corps étrangers sont digérés, assimilés, francisés, fondus dans l'estomac résistant de la France. Mais le noir de la peau est inaltérable, inassimilable, inchangeable. Il faut plusieurs générations d'intermariage pour la faire pâlir. Et d'ici là, les conflits raciaux auront accompli leur œuvre et fait leur ravage. Pourquoi le racisme ? Le drame, c'est qu'il ne s'explique pas, ne se raisonne pas, il est instinctif, etc. Et alors là, elle développe le fait que le peuple est raciste, on n'y peut rien, et comme il faut donner raison au peuple, il faut empêcher le peuple de voir ce qu'il ne peut pas voir. Et elle reprend exactement la solution de Lerme, il faut envoyer les Domiens en Guyane et pas en métropole. Et voilà, c'est tout à fait la même veine. Le Collège de France et France Culture vous présente François Héran, sa série « Pourquoi migrer ?». Alors, on arrive au livre de Stephen Smith, qui est d'une autre inspiration, quoique, alors c'est tout le problème. La ruée vers l'Europe, c'est un livre qui a eu un très grand succès, qui a récolté toute une série de prix, que le président Macron a cité de façon élogieuse dans l'interview qu'il avait donnée au Palais de Chaillot, quand il a été interviewé par Bourdin et le directeur de Mediapart. Et il y a eu le prix également des affaires étrangères, remis par le ministre des Affaires étrangères. Il y a un prix de la Revue des Deux Mondes, il y a un prix de l'Académie française. Enfin, le livre était... plusieurs amis m'ont dit, mais qu'est-ce qu'il en est de l'hypothèse de ce livre ? Est-il vrai que nous devons subir une vague considérable de migration africaine en France ? Le livre s'intitule... Pour moi, c'est un des principaux reproches que je ferai à cet ouvrage, c'est ce titre, « La ruée vers l'Europe ». La version anglaise, c'est « The Scramble for Europe ». La version allemande, c'est « Nach Europa », quelque chose de guerrier. « The Scramble for Europe », il faut voir les connotations que ça a. « The Scramble », c'est une espèce de bousculade pour entrer. C'est la ruée. Bon. Mais en même temps, ça inverse une formule classique qui désigne la rivalité des pays européens pour s'emparer de l'Afrique. The Scramble for Africa, c'est le nom sous lequel on désigne assez souvent l'Afrique, à la suite d'un livre célèbre, la ruée des coloniaux, des occidentaux vers l'Afrique. Donc il y a un peu l'idée que la ruée s'inverse, que finalement c'est une colonisation en rebours. Mais ce qui est intéressant, c'est le sous-titre, la jeune Afrique en route pour le vieux continent, ça suppose au fond un mécanisme démographique, quelque chose d'objectif. Et de fait, le sous-titre n'a pas du tout été imposé par l'éditeur, c'est une formule qu'on retrouve dans le corps du texte, et l'auteur explique très rapidement, dans les premières pages du livre, que c'est inscrit dans la nature des choses, la ruée dans l'Europe, de l'Afrique vers l'Europe, est inscrite dans la nature des choses. Elle va se traduire par le fait qu'il y aura 25% de population africaine, entre guillemets, en Europe. Alors, c'est assez ambivalent. On ne comprend pas si ça inclut uniquement la première génération ou la deuxième. Sans doute la deuxième, mais la formulation n'est pas très claire. Et il y a une idée forte dans le livre, c'est que, contrairement à ce qu'on croit, le développement de l'Afrique, et pour Smith, l'Afrique est en plein développement, le développement de l'Afrique va engendrer un surcroît d'émigration. Alors, c'est vrai que depuis très longtemps, depuis les années 70 en réalité, les spécialistes de l'économie du développement, les démographes de l'Afrique notamment, insistent sur le fait que ce ne sont pas les pays les plus pauvres qui migrent le plus, que ce sont, comme je vous l'ai dit au début de la séance, les pays qui sont déjà bien engagés dans le développement, et donc les plus grands pays des migrants, hein, le Mexique, la Turquie, etc., sont des pays qui sont déjà situés à la moitié de l'échelle du développement, si on prend l'indicateur de développement humain comme critère. Et seulement, ce que fait Smith, c'est d'aller plus loin que ça, c'est de poser qu'il y aura un développement ultra rapide de l'Afrique, un peu un développement singapourien, si j'ose dire, et qui fera que, finalement, d'ici 2050, d'ici 32 ans, 35 ans, où on écrit le livre, la migration africaine vers l'Europe sera du même ordre que la migration mexicaine vers les États-Unis. Et donc, il y a une analogie qui est faite, là, qui l'emprunte à une revue littéraire, dans l'éditorial d'une revue littéraire, qui nous dit, voilà, cette migration, de même qu'il y a 11 ou 12 millions de Mexicains aux États-Unis, si on applique une règle de 3, les 2 milliards de subsahariens qui nous sont promis pour 2050, ça va forcément déclencher une migration considérable vers l'Europe, et notamment vers l'Europe de l'Ouest et l'Europe du Nord. Donc voilà la thèse. Alors, j'ai essayé de voir ce qu'il en était, et d'abord je me suis aperçu que Smith ne connaissait pas la base bilatérale des migrations dressée par la Banque mondiale, le FMI et l'ONU. Il ne connaissait pas l'existence, ce qui n'est pas surprenant, parce que ce n'est pas quelque chose qui est extraordinairement publicisé, comme on dit. Enfin, cette base s'est considérablement améliorée avec le temps et c'est devenu maintenant un instrument tout à fait essentiel. Et cette base nous rappelle que 70% de la migration subsaharienne se fait à l'intérieur de l'Afrique subsaharienne, ce qui est quand même un élément fondamental. Alors, dans les projections que fait Stephen Smith, au fond, il y a deux composantes. Il faut bien les distinguer. Il y a un raisonnement purement démographique qui consiste à dire que si on applique les projections de l'ONU, alors la population subsaharienne va être multipliée par un peu plus de 2, et donc, d'une certaine manière, on peut imaginer, il faudrait faire le détail génération par génération, ce que j'ai fait dans ma publication, mais il faudrait imaginer qu'en gros, la migration subsaharienne suive le même rythme de développement démographique et que les effectifs des Africains présents en Europe soient multipliés par 2, quelque chose. Si maintenant on intègre l'hypothèse d'un développement économique dans une partie de l'Afrique subsaharienne, et c'est ce qu'ont fait plusieurs articles que je cite, parce que je ne suis pas le seul à avoir écrit sur la question. Et en réalité, dans les publications que j'ai faites, je cite les travaux qui ont déjà été menés sur la question. Mon travail était un travail purement didactique, de mise à disposition des résultats. Et je cite une note du Fonds monétaire international sur la migration subsaharienne de structure et conséquences, et retombées, spillovers, ce sont les retombées. Il y a un article tout à fait remarquable de Marie-Laurence Flao et de Hein de Haas. Hein de Haas, c'est un des plus grands démographes des migrations. Alors, il est plutôt politiste et démographe enfin, actuellement. Il était professeur à Oxford, c'était le spécialiste des migrations à Oxford, et qui maintenant est revenu à l'Université d'Amsterdam, un des auteurs les plus de référence vraiment sur les migrations, et notamment les migrations africaines, mais également marocaines. Il connaît très bien la question marocaine. C'est un article qui fait le bilan de toutes les migrations sous-région par sous-région à l'intérieur de l'Afrique et qui aboutit au même résultat que moi. Et enfin, une note plus récente que Stephen Smith ne pouvait pas connaître puisqu'elle est postérieure à son livre, qui a été écrite par cet organisme récemment créé, le Joint Research Center, le centre de recherche conjointe créé par la Commission européenne, qui se pose la question « Many more to come », est-ce qu'il y en a encore beaucoup plus qui doivent venir ? La migration depuis l'Afrique et à l'intérieur de l'Afrique, et qui reprend un peu toutes ces données. Notamment la note du FMI consiste à dire, mais Elle se développe en plusieurs temps. Elle dit d'abord, quels sont les ressorts de la migration africaine? Et ça, c'est quelque chose que je vais aborder dans le cours suivant sur les ressorts de la migration, sur pourquoi migre-t-on. La question de la théorie des migrations, c'est comme ça que ce chapitre des études de migration est qualifié. Se demander pourquoi on migre, quelles sont les raisons de la migration, c'est ce qu'on appelle la théorie des migrations. Et ils appliquent aux migrations subsahariennes un modèle qui consiste à dire, utilisons un certain nombre de facteurs, deux facteurs classiques, les écarts d'espérance de gain, de salaire entre pays de départ et pays de destination, le niveau d'éducation, la présence d'une diaspora déjà sur place qui est un facteur d'appel qui peut être tout à fait intéressant, etc. Donc, ils regardent un petit peu, pour les différentes régions du monde, et notamment l'Afrique subsaharienne, si ces facteurs de la migration sont capables de prédire le volume et la destination des courants migratoires actuels. Et la réponse, c'est que les facteurs ou les ressorts de la migration subsaharienne sont les mêmes que ceux que l'on voit dans toutes les autres régions du monde. Il n'y a pas de raison spécifique de migrer qui serait propre aux Africains. Ils ont les mêmes raisons de migrer ou de ne pas migrer que le reste de la planète. Mais simplement, le problème, c'est qu'ils sont en moyenne si pauvres qu'ils n'ont pas les moyens de migrer. C'est ce que montre le modèle, c'est que la majorité de l'Afrique, et c'est tout ce que je vous ai montré dans la première partie, est trop pauvre pour que réellement les migrations extra-continentales, les migrations hors de l'Afrique, puissent réellement décoller au lieu de se contenter d'aller dans les pays voisins. Donc les raisons de migrer sont les mêmes que dans le reste du monde. Il y a aussi le fait d'avoir une langue commune. Le fait d'avoir une langue commune, qui est évidemment un indicateur du passé colonial, est également un facteur important. Donc le résultat, c'est que l'Afrique est sensible aux mêmes facteurs de migration que les autres pays du Sud, elle n'a rien de spécifique. Et quand on introduit l'idée qu'une partie de ces pays pourrait décoller économiquement et commencer à se rapprocher du développement, du niveau de développement moyen, alors la multiplication de la migration africaine en Europe, la croissance de la migration africaine en Europe, serait multipliée de 15% ou 20%, quelque chose comme ça, mais ce ne serait pas d'un facteur considérable. Dans l'hypothèse de Smith, il y a donc deux composantes, disais-je. Il y a une composante qui serait proprement démographique, qu'on pourrait déduire en quelque sorte de la structure démographique des migrations telle qu'on l'observe depuis plusieurs décennies. Et puis, il y a une hypothèse qu'elle n'est pas démographique, une conjecture économique, qui est l'idée, eh bien, si on fait l'hypothèse que l'Afrique subsaharienne se développe à la même vitesse, enfin, arrive au niveau du Mexique, alors l'Afrique migrerait autant que le Mexique. Et c'est là que, si vous voulez, au lieu de doubler la migration africaine en Europe, on la quadruple ou on la quintuple. Flau et De Haas, dans leur article de 2016, avaient observé qu'effectivement, à partir des années 75, le nombre absolu de migrants africains arrivant en Europe a considérablement augmenté. Il n'y en avait que même pas 50 000 en 1975, il y en a 280 000 à l'heure actuelle, donc c'est une très forte augmentation. C'est une augmentation évidemment plus forte que la croissance de la population africaine elle-même, la population subsaharienne. Par contre, leur croissance, le développement de la migration africaine en Amérique, en Océanie, est relativement faible. Alors ça, pardon, le schéma du haut que je suis en train de vous montrer, c'est l'Afrique du Nord. Il y a eu un développement considérable de l'Afrique du Nord vers l'Europe. Mais quand on regarde les choses sur l'ensemble des continents, la répartition de ces migrations entre l'Europe, qui est la zone grise, et le reste du monde reste relativement stable depuis 1975. Quand on prend maintenant l'Afrique de l'Ouest, c'est là que les taux d'émigration sont les plus élevés. Il y a eu un nombre absolu de migrants qui a considérablement augmenté vers l'Europe. On est passé de quasiment rien en 1975 à 100 000 en 2005. Donc il y a eu une émergence de la migration subsaharienne, notamment ouest-africaine, vers l'Europe, effectivement. Mais ça vous verra que dans l'histoire du pays, il y a sans cesse de nouveaux groupes qui apparaissent et qui émergent. J'y reviendrai. Et c'est une croissance qui est bien plus forte que celle observée en Amérique. Et là, quand on regarde la répartition en pourcentage, dans le monde, des migrants originaires de l'Afrique de l'Ouest, il y a une quasi-stabilité de la part de ceux qui vont en Europe. C'est-à-dire qu'on ne voit pas qu'il y aurait une espèce de réorientation tendancielle très forte des migrants ouest-africains vers un continent plutôt qu'un autre au cours du temps. Ici, nous avons la même chose pour l'Afrique de l'Est et l'Afrique centrale. mais je crois qu'il n'y a pas la peine de s'y attarder. Alors, les auteurs de la note du FMI disent qu'au fond, il faut s'attendre à une forte progression du nombre de migrants subsahariens vers les pays de l'OCDE. Ils étaient 6 millions en 2013, ils pourraient être 18 millions en 2040, 34 millions en 2050. Qu'est-ce que ça serait par rapport à l'ensemble des pays de l'OCDE ? Les pays de l'OCDE, ça inclut les États-Unis, la Russie, le Mexique et l'ensemble de l'Europe. Hein. C'est un ensemble évidemment assez hétérogène. Au lieu de 0,4% de la population en 2013, ce serait 2,4% de la population en 2050. Et ce que je disais dans ma publication à l'INET, c'est que certes, c'est une multiplication par 6. La migration subsaharienne était très peu présente et encore assez faible actuellement. Une multiplication par 6, c'est évidemment très important, mais 2,4%, ça n'est pas une invasion. C'est ça qu'il faut voir. Donc vous pouvez regarder évidemment des données sous plusieurs angles et finalement le pourcentage final reste modéré. En France, ce n'est pas 2,4%, nous ne sommes pas proches de l'OCDE, c'est aux alentours de 4%, quelque chose comme ça, avec les mêmes méthodes de calcul. Alors, je m'intéresse ici à une objection tout à fait intéressante qui a été faite par Michel Tribala, donc, qui a été démographe à l'INED, et qui s'est intéressé à cette question, qui a essayé, au fond, de défendre le soldat Smith, si je puis dire. Et elle écrit dans son blog, elle dit, mais au fond, il rend à tort, puisque quand on regarde la multiplication des immigrés subsahariens en France depuis le recensement 1982, ils ont été multipliés par 2,5. C'est ce qui apparaît sur ce graphique. On indexe la série à 1 en 1982, et on voit que les effectifs sont multipliés par 2,5 en 2015. Or, la croissance de la population du pays d'origine est bien plus élevée. Elle a été multipliée par 5 et non pas par 2,5. Donc, on ne peut pas faire l'hypothèse que le ratio serait constant entre la population subsaharienne qui se retrouve en France et la population subsaharienne totale. Donc, l'hypothèse d'errant est irréaliste. Voilà ce qu'explique Michel Tribala. Alors, c'est un argument assez fort. D'ailleurs, Stephen Smith, évidemment, n'a pas manqué de le relever. Il a dit, vous voyez, en une seule figure, Michel Tribala a réfuté François Héran. Ça prouve à quel point il faut être bon démographe pour se tirer d'affaire, etc. Bon, je vais essayer de vous expliquer comment je vois les choses. Depuis le 19e siècle, tout courant migratoire nouveau en France émerge. Et émerge, évidemment, à un rythme qui est supérieur à la croissance de la population au pays d'origine. Et donc, l'écart se creuse entre les deux courbes. Et puis, au bout d'un certain temps, il finit par se résorber. Alors ça, c'est quelque chose qu'on verra lorsqu'on étudiera les théories de la migration présentées par Douglas Massey, qui est le grand professeur de démographie des migrations à Princeton. C'est qu'il y a toujours un moment où, effectivement, il y a une espèce de saturation. Il y a un phénomène d'auto-entretien de la migration, mais finalement, historiquement, on voit qu'à un certain moment, il y a une saturation qui se fait et ce qui était vrai dans les périodes d'émergence ne se continue pas éternellement. Or, l'hypothèse de Michel Tribala consiste à dire que l'évolution de l'immigration subsaharienne dans les décennies à venir va continuer de suivre un rythme d'émergence. Eh bien, faisons la preuve par le contraire. Que se passerait-il si on appliquait le même raisonnement à d'autres courants migratoires qu'on observe en France ? Je représente ici donc le développement de la migration subsaharienne en France. Je part du niveau 1 en 82, multiplication par 5 des subsahariens, quand on prend comme référence le recensement de 82. Les Britanniques, c'est pas mal non plus, ils ont été multipliés par 4,8. Les Roumains ont été multipliés par plus de 8 depuis le recensement de 82. Les Haïtiens, par quasiment 11. Et les Chinois, par 16. Personne ne va dire que, évidemment, il va y avoir une ruée chinoise, haïtienne, roumaine, etc., britannique, peut-être qu'avec le Brexit, on ne sait jamais, mais... vers la France. Alors, effectivement, ces multiplications sont très importantes, et bien entendu, ces multiplications n'ont aucun rapport avec le facteur de croissance des pays d'origine dans le même intervalle. La Chine n'a pas multiplié sa population par 15, Haïti n'a pas multiplié sa population par 10, le Royaume-Uni n'a pas multiplié sa population par 4, etc. Et donc, l'idée que ces taux de croissance, n'est-ce pas, seraient prédictifs, en quelque sorte, d'un transfert démographique vraiment très substantiel des pays d'origine vers la France parce que leur nombre s'est multiplié bien au-delà de la croissance du pays d'origine, c'est un raisonnement qui ne tient pas. Quand on fait la preuve par le contraire, quand on fait des comparaisons entre minorités liées à l'immigration, on ne voit pas comment ce raisonnement pourrait être tenu, et on ne voit pas comment aucun de ces courants ne pourrait permettre de conclure à l'imminence dans les 30 prochaines années d'une ruée vers la France. Or, c'est ça le raisonnement qui est tenu. Et si vous regardez, alors non plus les immigrés, car c'était les données qui étaient puis en 2014, mais cette fois les étrangers pour le recensement précédent, bien vous faites les mêmes raisonnements. Vous pouvez varier le point de départ. Vous pouvez regarder, tiens, par combien ont été multipliés les Tunisiens depuis 1962. Ils ont été multipliés par 8 en 90. Et puis après, la courbe a stagné. Les subsahariens, on le voit, si on prend 75 et pas 82, ça a été une multiplication par 7. Les Turcs ont connu une multiplication par 4 et ensuite ça s'est tassé. Le reste de l'Asie, etc., etc., évidemment, tous ces groupes émergent et présentent des taux de croissance qui, au début, sont tout à fait spectaculaires. C'est normal, ils n'étaient pas là et tout à coup ils viennent et du coup ça fait de mal. Et si vous regardez les Portugais, non pas depuis 1968, mais vous dites, tiens, les Portugais depuis 1962, eh bien là, ils ont été multipliés par 15 et non pas par 3. Et donc, il suffit de choisir le bon recensement de départ pour arriver effectivement à un taux de croissance, à une multiplication qui va considérablement varier, parce qu'effectivement, les Portugais étaient très peu nombreux en 62, alors qu'en 68, ils commencent déjà à être très nombreux. Et ça fait effectivement un point de départ beaucoup plus intéressant que de partir de l'époque où ils étaient quasiment absents. Donc, vous voyez à quel point ces raisonnements sont difficiles à tenir. Et là, je vous présente un graphique que j'avais déjà présenté l'an dernier, commenté plus longuement. C'est depuis 1851, les différentes communautés étrangères recensées en France, et la zone grise au-dessus, c'est les naturalisés qui s'ajoutent. Alors, il y a un problème pour le recensement de 99, où il y a une sous-estimation, mais c'est peut-être une erreur de ma part, mais je suis revenu vraiment aux données qui ont été archivés par l'INSEE dans tous les recensements. Il y a une série longue des recensements et j'ai regardé nationalité après nationalité en essayant de garder une certaine continuité dans la nomenclature des nationalités, ce qui n'est pas toujours facile. Enfin, il y a des moments où, par exemple, les Russes et les Polonais sont confondus parce que on ne savait pas encore, avant la guerre de 14, distinguer correctement les Russes et les Polonais, puisque la Pologne était partagée entre l'Empire austro-hongrois, la Prusse et la Russie. Mais vous voyez que vous avez constamment, au cours de notre histoire, des groupes qui émergent et puis qui ensuite stagnent. Alors, on a eu les Belges qui ont été d'abord notre première nationalité immigrée. Nous avons d'abord recruté chez les voisins. Ils ont travaillé dans les mines, ils ont travaillé dans le textile. Ils ont été très nombreux dans les exploitations agricoles du bassin parisien, comme fermiers, par exemple. Donc, ça a été la grande nationalité qui a contribué au doublement de l'immigration pendant le Second Empire. À la fin du XIXe siècle, grande stagnation économique, et donc la migration ne progresse pas autant que ça puisse faire, par exemple, dans d'autres pays. Enfin, c'était une crise qui était assez générale en Europe, donc la migration a stagné, et à cette époque-là, la migration était encore liée à la conjoncture économique, ce qui ne sera plus le cas après. La Première Guerre mondiale, évidemment, ne permet pas de faire le recensement de 1916, et on fait appel aux Polonais. Vous voyez, les Polonais surgissent tout à coup, on va les chercher. J'avais lu ces passages extraordinaires des journalistes qui mènent l'enquête sur la façon dont les agences de recrutement des charbonnages de France, des houillères de France, allaient chercher les Polonais dans les villages de Galicie et d'autres régions de la Pologne. Donc il y a un moment où les Polonais deviennent très très nombreux. On les renvoie après la crise des années 30. Et puis une autre nationalité, évidemment, qui a émergé et qui, tout au long de notre histoire, va être la plus nombreuse, en cumulé, enfin, c'est les Italiens. Mais vous voyez qu'apparaissent ensuite toutes sortes de nationalités. Les Portugais apparaissent et puis ensuite ils stagnent. Les Algériens ont été beaucoup plus nombreux que dans les années 70-80 qu'ils ne le sont maintenant. Alors ce sont les étrangers. Évidemment, beaucoup d'Algériens sont naturalisés, se retrouvent dans le haut du graphique. Vous avez les Asiatiques qui sont apparus. Je vous l'ai dit, les Chinois ont été multipliés par 15 à partir de 82. Et vous avez ces malheureux subsahariens là qui nous inquiètent tant, et qui sont ici, la zone violette, et qui, eux aussi, sont apparus, comme sont apparus les Marocains, comme sont apparus les Turcs, comme sont apparus les Yougoslaves, etc. etc. Enfin, bon, voilà. Donc notre histoire, c'est ça, c'est l'émergence d'une série de minorités qui d'abord venaient des pays voisins, qui ensuite ont été recrutées dans les pays plus lointains, ça a commencé avec la Pologne, et qui maintenant peuvent venir du monde entier, potentiellement du monde entier. Ça va s'arrêter, hein, on n'ira pas au-delà. Voilà un peu la situation. Alors je terminerai en caractérisant simplement la situation migratoire de la France par deux types de données. Voici les titres de séjour accordés à des non-européens d'année en année depuis 2005. C'est le fameux fichier AGDREF, l'application de gestion des résidents étrangers en France. Et vous voyez que les familles de Français, c'est-à-dire les conjoints, c'est la migration matrimoniale, c'est extrêmement stable dans le temps. C'est en gros 50 000 personnes par an. Que le regroupement familial, où là, c'est non pas un Français qui épouse ou une Française qui épouse un étranger ou une étrangère, mais c'est un étranger qui fait venir son conjoint ou ses enfants, eh bien, ça a un peu varié, mais ça a été tout à fait contenu. On est à 40 000 par an. Le travail est très réduit, parce que sur, vous avez le total tout à fait en haut. En gros, on est à 10% de migration de travail. C'est très peu, c'est très faible hein, par rapport à ce qui se passe dans d'autres pays. Ça a augmenté, il y a eu quelques régularisations récemment, mais enfin, il n'y a pas eu d'envol significatif. Évidemment, ce qui a augmenté, c'est quoi? C'est essentiellement les réfugiés, les malades dans les dernières années. Mais enfin, c'est la moindre des choses, vu la crise de l'Orient. Et puis, les étudiants, dont le nombre, et ce n'est pas seulement dans le dernier quinquennat, dont le nombre a fortement augmenté, puisqu'on est passé, en gros, de 50 000 à 80 000 sur toutes ces années-là. Donc, quand même, très, très forte stabilité des différentes composantes de la migration non européenne. On n'est pas dans une explosion. Et mon dernier graphique, c'est celui-là. Voici comment se répartissent en pourcentage des nouveaux titres de séjour. Là, ce sont des flux, ce sont des données annuelles. Comment se répartissent les différents types de titres de séjour dans un certain nombre de pays. Le Canada et l'Australie sont des pays très particuliers qui sélectionnent leurs migrants. 28% des migrants qui entrent en Australie, au Canada, en Nouvelle-Zélande, plus d'un quart, sont des gens qui ont été sélectionnés en fonction de leur capital humain, en fonction de leur diplôme, de leur capacité linguistique, de leur expérience professionnelle. Et ils viennent avec leurs conjoints ou leurs enfants, et donc la zone en bleu clair, ce sont les migrants qui ont été lauréats du système à points, c'est comme ça que ça s'appelle, en même temps que leurs conjoints. Donc, finalement, on arrive à plus de la moitié des migrants introduits au Canada, en Australie et en Nouvelle-Zélande sont des migrants sélectionnés par un système, par une espèce de concours sur le capital humain. Donc, on en reparlera, évidemment, dans les facteurs de la migration. En bistre, vous avez la migration familiale, et vous voyez que le regroupement familial pèse peu, relativement peu, dans ces pays-là par rapport à la migration sélectionnée, et en vert, c'est la migration humanitaire. Alors vous voyez que les États-Unis, ici, se détachent complètement du Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande. Il y a une politique sélective de travail, un petit peu pour les qualifications très très élevées, mais les États-Unis, c'est avant tout le grand pays mondial du regroupement familial, qui est tendu également aux collatéraux, aux frères et sœurs. Et on peut attendre 10 ans, mais on finit par entrer. Hein, en fonction de... Il y a des files d'attente, on gère des files d'attente. C'est ça le système américain. Il y a de l'humanitaire à 14%, et ça, c'est les catégories autres. Si vous regardez la Suède, c'est un cas unique. La Suède est spécialisée dans l'humanitaire. 36% des titres de séjour acceptés en Suède sont des titres humanitaires, et c'est là-dedans que se retrouve notamment la Corne de l'Afrique, dont je vous avais parlé tout à l'heure. La Suède, comme la France, l'Allemagne, etc., ont interdit l'immigration directe de travailleurs, et donc se retrouve avec du regroupement familial, de l'humanitaire, et qu'est-ce que c'est que cette zone grise? Eh bien, cette zone grise, c'est ce qu'on appelle la libre circulation. C'est le fait que peuvent entrer et s'installer durablement dans un pays les membres de l'Union européenne, quand on est dans un pays signataire de l'Union, mais vous avez aussi la libre circulation entre, il y a un accord entre l'Australie et la Nouvelle-Zélande, vous avez un accord également de la Norvège avec tous ses voisins, et je vous avais dit tout à l'heure qu'il y avait des accords aussi qui existaient en Afrique de l'Ouest. Sur la libre circulation. Donc la libre circulation est devenue un aliment considérable de la migration dans un certain nombre de pays européens, mais de façon très très variable d'un pays à l'autre. Alors si vous regardez le cas de la France, nous n'avons que 10% de titres de séjour au titre du travail, 40% de notre immigration au titre du regroupement familial, ce qui est un des chiffres les plus élevés. C'est moins que les États-Unis où c'est les deux tiers. Enfin, c'est quand même beaucoup. C'est beaucoup plus que, par exemple, l'Allemagne, dont on verra le cas tout à l'heure. Nous avons seulement 6%, c'est très faible. Nous sommes parmi les pays les moins accueillants dans l'asile. Je vous montrerai la première prochaine, nous sommes au 17e rang par rapport à notre population dans le nombre de demandeurs d'asile à qui nous accordons l'asile. Nous sommes au 17e rang. Et ça se voit, là, sur ce genre de graphique. Par opposition aux Pays-Bas, qui ne sont pas un pays nettement différent du nôtre, si vous voulez, par bien des aspects, ou par rapport à la Suède. Et quand on regarde l'Allemagne, comme nous, à partir de 1973-1974, a interdit l'introduction directe des travailleurs, elle pratique beaucoup moins le regroupement familial que nous. Elle fait dans l'humanitaire davantage que nous, 21% des titres contre 6% chez nous, et elle est un des grands pays qui attire les autres Européens. L'Allemagne est extrêmement attractive pour la libre circulation des ressortissants européens, et ça, c'est une des caractéristiques fondamentales de la situation allemande. Alors évidemment, en Suisse, puisque la Suisse a reconstitué avec l'Europe l'équivalent de l'accord européen, il y a 75% des migrants qui sont installés en Suisse qui le sont au titre de la libre circulation. Donc vous voyez un paysage extraordinairement contrasté. Comment faire une politique migratoire harmonisée entre des situations aussi différentes? On n'y arrive pas. Et alors là, dans ce schéma, j'ai pris le même schéma, mais j'ai donné à chaque bande une hauteur proportionnelle aux effectifs. Les États-Unis, du coup, comptent beaucoup plus que le Luxembourg qui se perd dans l'épaisseur du trait. Et vous voyez les effectifs, et vous voyez qu'à l'échelle de l'OCDE, ce sont des résultats de l'OCDE, le regroupement familial aux États-Unis, c'est considérable. C'est la grande masse du regroupement familial dans les pays occidentaux actuellement. Alors que l'Allemagne attire à elle seule une part considérable de la libre circulation européenne grâce à son attractivité. La France se situe dans une situation un peu intermédiaire, beaucoup de regroupement familial, peu d'humanitaire. Vous voyez que l'Allemagne à elle seule attire à peu près autant d'humanitaire que les États-Unis, malgré les différences de taille entre les deux pays. Vous voyez que c'est tout à fait spectaculaire. Alors évidemment, les performances des pays scandinaves sont considérablement réduites ici, vu la faiblesse des effectifs. Donc j'espère vous avoir montré à travers ce cours à quel point le maniement des chiffres, pourvu qu'on multiplie un peu les approches, permet de relativiser et de rétablir les ordres de grandeur. C'était les cours du Collège de France. Vous venez d'écouter le démographe sociologue François Héran, sa série « Pourquoi migrer ?». Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens, la vidéo et les informations autour de cette diffusion, ainsi que l'ensemble des cours de François Héran. Il a publié à la Découverte en 2017 l'essai intitulé « Avec l'immigration, mesurer, débattre, agir ». Sa leçon inaugurale est publiée chez Fayard. Iconographie et site web Claire Poinsignon et Marion Barsac. Réalisation Laure-Hélène Planchet. Présentation Meryl Meneghetti. Demain, nous poursuivrons son interrogation « Pourquoi migrer ?» en compagnie de François Héran. Et dans quelques instants, nous retrouvons les petits matins. Belle journée à l'écoute de France Culture.